moment du carême, alors je pense au carême parce que on mangeait de la morue ici. Ah oui, mais c'est très bon la morue. Je comprends, c'est très bon. Et on a toujours mangé de la morue. Vous vous souvenez toujours d'avoir vu manger de la morue? Ah oui, oui. Mais moi je mange toujours. Mais c'est bon d'ailleurs. Je mange toujours à Noël de la morue. Je fais le ragoût de morue. Oui. Et qu'il est très bon. J'aime bien le ragoût de morue. Il y en a qui l'aiment pas, moi je l'aime bien. Aussi, je l'aime bien. Et vous le faites comment? Avec le ragoût de morue, une fois il y avait la mère de la Nilatine, hein, c'est ça me parlait, nous disions de la sauce de morue. Eh bien, vous savez, on va comme nous, on devait faire. La même recette. Ben, on l'a fait dessaler, puis on l'a mis à blanchir, que l'eau boule, juste quand on l'a retiré. On a enlevé les ténèbres, puis après, on y sent vraiment bon, ça fait des écailles, vous savez, c'est fricata. Et puis, vous faites revenir du poireau dans un poignon, là, bien. Après, vous y mettez la morue dessus, vous y mettez du pain, trempé. Et vous puis, mettez du pain, oui. Ah, vous faites du pain. Et puis des truffes, si vous en avez, puis quelques olives. Et bien, vous savez, ça fait très bien. Mon pauvre fils tout cher. J'aime beaucoup. Et vous mettez la sauce, c'est le pain qui fait la sauce? Eh oui, le pain, ça veut dire, il a été planté dans le lot, c'est bon. On peut le mettre de l'huile, bien sûr. J'ai du café qui est chaud, on va un petit peu, oui. Ma grand-mère, elle le faisait, elle a morue aussi. On l'a mangé qu'à Noël ou on l'a mangé toute la... Tout le temps. Ici, qu'est-ce que vous voulez le dimanche? Maintenant, ils ont pris cette habitude, là, il y a quelques années, avec ce boucher qui passe, là. Mais nous, il y en a d'autres, là, il y avait monsieur Cloche, là, qui est un génie avec un chauffé, je crois. Mais vous disiez de manger le temps. On mangeait de la viande à Pâques, ou on fait un... Ah, mais les gens, vous savez... Et